Dans la première partie, nous recevons Bernard de Montréal pour nous parler du sujet spirituellement évolué, mais pas tout à fait intelligent. Nous recevons donc Bernard de Montréal. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bernard, le sujet de la première partie, spirituellement évolué mais pas intelligent, nous semble présenter le fait que les gens dans une recherche ou dans un développement spirituel quelconque semblent pas aboutir dans des objectifs ou dans des résultats qui leur font vivre ou sentir leur vie comme étant intelligente. Est-ce qu'il y aurait une définition d'une vie intelligente dans un premier temps? Est-ce qu'on pourrait encadrer ou définir ce que c'est vivre intelligemment? Est-ce que c'est lié en partie à la consommation ou à une façon de traiter nos relations humaines? Bon, vous venez de mettre le doigt dessus, c'est lié à la consommation. Puisque vous parlez de vie spirituelle, l'homme, les hommes, n'oubliez pas qu'on est des fils de l'évolution, on est des êtres involutifs. On est des êtres qui n'avons pas de conscience mentale. On est des êtres qui n'avons pas de référent absolu. On est des êtres qui ne savent pas traiter avec les mécanismes occultes de la pensée. On est des êtres qui n'avons pas de contact télépathique avec le plan mental. Donc, on est des êtres qui sont et qui demeurent jusqu'à la fin du 20e siècle totalement dans l'ombre de leur propre lumière. Puis, il y a deux sortes d'hommes sur la Terre. Il y a les hommes qui recherchent la plénitude à travers le matérialisme. Puis il y a des hommes qui recherchent la plénitude à travers la spiritualité. Puis dans les deux cas, c'est pas suffisant. Puis pendant l'évolution, la philosophie de l'homme ou les perceptions de l'être humain ou les perceptions des penseurs ou les perceptions des philosophes, ou les perceptions des monastiques ou des mystiques, c'était que la vie est divisée en deux, elle est soit matérielle ou soit spirituelle. Mm-hmm. Puis c'est pas le cas. La vie matérielle est simplement compensée par la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est l'aspect astral de la conscience matérialisée. La vie matérielle, c'est l'aspect très, très limité d'une conscience spirituelle. Mais au-dessus ou au-delà de la conscience matérielle ou de la conscience spirituelle, il y a une conscience mentale. Et la conscience mentale fait partie de l'évolution de l'homme et demandera éventuellement que l'homme intègre totalement les forces de vie qui sont matérialisées et les forces de vie qui sont spiritualisées. Si on parle des êtres qui sont dans le matériel ou dans le matérialisme, ces êtres-là sont affectés, influencés à un très haut niveau par les forces matérielles de notre société, de notre civilisation. Ça se comprend. Par contre, si on regarde les êtres qui font une recherche spirituelle, qui est un peu comme la deuxième étape dans l'évolution de l'homme, la naïveté de ces êtres est tellement grande que ces êtres-là pensent que c'est à travers la spiritualité que l'homme va devenir intelligent. Et l'homme ne peut pas devenir intelligent à travers la spiritualité parce que la spiritualité fait partie de la conscience astrale. Mm-hmm. Il faudrait qu'on le comprenne un jour que la spiritualité fait partie de la conscience astrale. Si la spiritualité avait été la réponse à l'homme depuis l'évolution, autrement dit, si la spiritualité avait eu une équivalence mentale, psychique, universelle, ça fait longtemps que l'homme serait dans son identité aujourd'hui. Ça fait longtemps que l'homme n'aurait pas besoin de se connecter à des religions ou à des sectes ou à des systèmes de pensée qui viennent de l'extérieur de lui-même. Donc, la spiritualité, ça fait partie de l'évolution de l'homme, ça fait partie de son développement personnel, ça fait partie de sa recherche, mais ce n'est pas la finalité exécutive de la transmutation psychique de son être. Il faut que l'homme en arrive éventuellement à pouvoir transmuter la spiritualité, comme il peut, s'il a une certaine sagesse, transmuter un peu les conséquences très, très poignantes du matérialisme sur sa conscience. Mais le grand problème, le grand danger d'ailleurs aujourd'hui, c'est que l'homme, les hommes qui sont évolués, les âmes sensibles, ont mis un petit peu de côté le matérialisme pour entrer dans une recherche spirituelle, mais là, ils se font peigner les culottes à terre de l'autre bord. Donc avant, ils se sont fait poigner les culottes à terre dans le matérialisme, ils ont vu que c'était pas assez, ils sont allés dans le spirituel, puis là, ils se font prendre les culottes à terre dans le spirituel, parce que le spirituel, ça fait partie des ce que j'appelle les illusions ultimes de l'humanité. Là, vous allez dire, mais vous, si un homme conscient, c'est un homme spirituel. Un homme conscient, c'est un homme intelligent, qui peut comprendre le phénomène du matériel. Il peut comprendre le phénomène astral de la mort. Donc, un homme conscient, c'est un homme qui est dans son intelligence, c'est-à-dire qu'il est capable de convertir constamment les signes, les signaux, les symboles, soit de la civilisation matérielle, ou les symboles astraux de la conscience spirituelle ou de la conscience astrale. Mais c'est pas ça qui se produit dans notre monde, c'est que les gens sont tellement prisonniers du matériel, sont tellement écœurés du matériel, sont tellement conscients de la consommation, que là, ils se lancent à tête perdue dans la conscience spirituelle, dans l'évolution spirituelle, et un jour, ils vont s'apercevoir que la conscience spirituelle, c'est aussi anti-homme que la conscience matérielle. Parce qu'il n'y a pas nécessairement d'intelligence dans le monde de la mort. Là, vous allez dire, bon, la conscience spirituelle, c'est mieux que la conscience matérielle. La conscience spirituelle, c'est déjà un pas en avant sur la conscience matérielle. Oui, seulement c'est pas suffisant, parce que ça ne nous prédispose pas à être intelligent. Premièrement, pour être intelligent, tu ne peux pas être naïf. La conscience spirituelle est basée sur la naïveté. Basée sur la naïveté dans le sens que, pour que l'homme connaisse les lois de la vie, autant sur le plan matériel que sur le plan astral, que dans les univers systémiques, faut pas que l'homme soit matériel. Il faut pas que l'homme soit naïf. Il peut pas se permettre d'être naïf. Fait que là, on va voir des voyants, on va voir des sectes, on va voir des philosophies, on va voir des systèmes, on rentre là-dedans, on rentre dans des systèmes de Ouija, on rentre dans des systèmes de médiumnité, on rentre dans des systèmes de channeling, on vient en contact avec des entités qui sont sur d'autres plans astraux, qui communiquent avec l'homme, et ainsi de suite. Puis on s'imagine que parce que tu as une entité dans l'astral qui communique avec l'homme, que là, on accède à la vérité. Fait qu'on se fait chafeter encore. Jusqu'à temps que l'homme, finalement, réalise que être intelligent, c'est en arriver éventuellement à équilibrer complètement son énergie, c'est-à-dire travailler en équilibre avec le plan matériel, travailler en équilibre avec ses perceptions sensibles qui sont pour le moment spirituelles, pour en arriver un jour à transcender un peu le tout, puis à pouvoir mettre les morceaux ensemble. Fait que si vous allez en Californie pour rencontrer des gens qui font du channeling, ou au Québec, des gens qui font du channeling, qui parlent des entités, c'est pas parce que vous parlez avec une entité que l'entité est plus intelligente que vous. Par contre, l'entité a un statut de vie qui est en dehors du plan matériel. Donc, l'entité peut facilement vous donner de l'information auquel vous, naturellement, vous n'avez pas accès. C'est normal. Par contre, c'est pas une raison pour laquelle vous devez vous plier ou vous assujettir à une entité, parce qu'une entité, c'est un mort. Puis un mort, c'est un homme qui, pour le moment, est en forme astrale, donc qui est désincarné. Donc, un mort désincarné, c'est pas plus intelligent qu'un vivant incarné. Il va falloir qu'on le comprenne un jour. Si on ne comprend pas ça, on va se faire échafeter. C'est quoi votre question? Vous avez beaucoup d'avance de réponse. Est-ce qu'à ce moment-là, être intelligent, ça se définit par être capable de se situer? Bon, OK. Être intelligent, c'est très simple. C'est très simple. Mais c'est parce que c'est très simple que c'est très difficile. Être intelligent, c'est apprendre une fois pour toutes dans la vie à se protéger, point final, à tous les niveaux. Tous les niveaux. Tu te protèges au niveau matériel, tu te protèges au niveau spirituel, tu rentres dans ton intelligence. Tu te protèges pas au niveau matériel, tu te protèges pas au niveau spirituel, t'es fait. Faites-vous la différence entre se protéger et se couper? Se protéger, ça veut dire que le but ultime de l'homme sur la Terre, c'est d'en arriver à pouvoir utiliser suffisamment tous ses moyens, toute son énergie mentale, émotionnelle, physique, pour qu'il en arrive un jour à plus souffrir. Donc, cherchez pas des grosses définitions philosophiques pour la vie. Faut que l'homme en arrive un jour à ne plus souffrir. Plus souffrir, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la vie sous son contrôle. Avoir la vie sous contrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de se faire chafeter par les âmes ou par les esprits. Là, vous allez dire, qui c'est qui est plus dangereux? Les esprits. Parce qu'un homme qui chaffe, un homme qui te joue des cheveux, ça se voit. Mais un esprit qui te joue des cheveux, ou une entité qui te joue des cheveux, ou une entité qui joue avec la tête, ça se voit pas tout de suite. C'est pas évident tout de suite, parce qu'on est naïf. Donc, il faut déjà avoir une conscience des manipulations de la pensée. Il faut avoir une conscience très grande de la manipulation de la pensée, puis éventuellement, on devient très habile à ça, puis éventuellement, on en arrive à pouvoir neutraliser l'astral dans le mental. Donc, on en arrive éventuellement à pouvoir balancer le corps mental, le corps émotionnel, le corps vital, le corps physique. Après ça, bien, on est en voie d'évolution rapide, puis on est en mesure de pouvoir voir, comprendre ce qui se passe dans le monde, au niveau matériel, au niveau astral, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'homme aura finalement contact avec sa source, lui-même, appelez ça comme vous voulez, la source de sa pensée, mais il n'y aura plus de naïveté dans sa conscience. Ce que je reproche à l'homme de l'évolution, c'est la naïveté. La naïveté est toujours cultivée par les systèmes, parce que les systèmes sont basés sur la... Les systèmes à tous les niveaux, tous les systèmes, matériels, politiques, philosophiques, spirituels, mystiques, tous les systèmes religieux sont basés sur le pouvoir. Pouvoir sur l'homme. Le pouvoir sur l'homme, toujours le pouvoir sur l'homme. Et il faut que l'homme en arrive à reprendre son pouvoir. Il faut que l'homme en arrive à reprendre son pouvoir. Il faut que l'homme en arrive à reprendre son pouvoir. Ça veut dire qu'il faut que l'homme en arrive éventuellement à pouvoir se libérer des forces qui influent sur sa conscience, que ce soit des forces matérielles, idéologiques, religieuses ou des forces occultes spirituelles. Maintenant, vous dites que l'individu est naïf parce que les systèmes ont un pouvoir sur lui. Quelle est l'origine? Qu'est-ce qui permet au pouvoir d'avoir du pouvoir sur un individu? Si on regarde la naïveté de l'homme, l'histoire de la naïveté de l'homme, la raison pour laquelle l'homme est naïf, c'est parce que les... On n'a jamais eu de science supplémentaire sur la Terre. On n'a jamais eu de science. On n'a jamais eu de science sur la Terre qui ne venait pas du monde astral. Soit à travers les religions, ou à travers des médiums, des psychiques, des prophètes. On n'a jamais eu de science de la vie qui ne venait pas soit de l'astral ou d'hommes astralisés. On n'a jamais eu de science mentale. On n'a jamais eu d'absolu. On n'a jamais eu de référent absolu. On a toujours été forcé de vivre notre vie psychologique par rapport à des paramètres qui étaient basés sur le principe de la croyance. Donc, on a cessé de croire dans les religions parce qu'on est supposément un petit peu plus sophistiqué. Puis là, on commence à croire dans des entités. Fait qu'on est tous 600 dessins qu'on l'était avant, mais à un autre niveau. C'est grave. Parce que croire à une religion, c'est un moindre mal, parce que les religions ont été établies par des initiés pour l'évolution spirituelle, émotive de l'homme, de l'évolution, jusqu'à temps que l'homme rentre dans son identité. Mais quand l'homme commence à croire à des données ou à des paroles ou à de l'information qui vient des plans spirituels ou des plans astraux, et qu'il ne connaît pas les lois de ces mondes-là, à ce moment-là, il est réellement dans une situation difficile, parce qu'il n'est pas capable psychologiquement de traiter psychiquement avec cette source d'information-là. Pourquoi? Parce que cette science-là, on ne l'a jamais eue. On commence à venir, on commence à y accéder à cette science-là. Donc, l'homme n'a pas de paramètre absolu. Et comme l'homme n'a pas de paramètre absolu, il est incapable de façon absolue de corriger les abus de l'astral sur sa conscience mentale. Il est incapable absolument de corriger tout ce qui lui vient dans sa tête ou à travers la lecture dans le monde de l'information. Et un homme qui est conscient, un homme qui est intelligent, est capable de prendre, quand vous lisez le devoir, si vous êtes moindrement éduqué, si vous êtes moindrement informé, puis supposons que vous êtes réellement dans la politique, puis impliqué dans la politique, vous lisez le devoir, puis vous êtes capable de savoir qu'est-ce qui se passe dans le devoir, si le devoir est juste ou si le devoir n'est pas juste. Si l'information dans la presse est bonne ou c'est pas bonne, vous êtes capable de vous créer des paramètres de vérification parce que vous fonctionnez dans un médium avec lequel vous avez de l'interface. Mm-hmm. Mais quand vous tombez dans le domaine occulte, quand vous tombez dans les domaines paranormaux, quand vous tombez dans le domaine des esprits, quand vous tombez dans le domaine des formes astrales, vous êtes plus capable de le faire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas éduqué. Donc, vous vivez de la formation, de l'information qui est constamment de la déformation. Fait qu'à ce moment-là, vous êtes techniquement équivalent. Vous avez l'équivalence de personnes qui sont totalement ignorantes de ce qui se passe. Un petit peu comme on était ignorants, nous autres, il y a 25, 30, 40 ans, de ce qui se passe en politique. On s'est fait chasser, il y a 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 200 ans. Les politiciens faisaient ce qu'ils voulaient avec nous autres. Les écrivains faisaient ce qu'ils voulaient avec nous autres. Mais ça, c'est rendu la même chose, mais au niveau astral. Seulement, c'est pire. Parce que ces gens-là, de l'autre bord, tu peux pas les coffrer. Ils sont d'un autre plan. Donc l'homme n'est pas éduqué, l'homme n'a pas d'éducation. On commence aujourd'hui à connaître les lois occultes de ces plans-là, puis éventuellement, l'homme va grandir en conscience, puis éventuellement, l'homme va les développer, les référents absolus, qui font partie de sa conscience universelle. Si l'homme ne développe pas ces référents absolus-là, qui font partie de sa conscience universelle, éventuellement, il va se faire prendre, parce que le plan astral, c'est un plan de désincarner, ça fait partie, ce sont des êtres qui ont déjà été sur le plan de la mort, sur le plan matériel, ce sont des êtres qui sont en évolution, à différents niveaux d'évolution, et ce n'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils sont nécessairement intelligents, parce qu'eux-mêmes sont régis par des lois qui sont plus vastes qu'eux autres, plus grandes qu'eux autres, et ils sont obligés de vivre dans ces mondes-là, un petit peu comme nous autres, on est obligés de vivre sur le plan matériel. On est régi par les lois de la gravité, ça. Tu peux pas te monter dans les airs quand tu veux. Eux autres, la même chose, sont régis par les lois de leur monde, puis ces lois-là font partie de leur monde, puis nous autres, on en est victimes, jusqu'à temps que l'homme connaisse ces lois-là et qu'il puisse confronter les entités qui sont dans ces plans-là, puis rentrer finalement dans son identité, développer ses référents absolus, puis rentrer dans une conscience universelle. Ça m'apparaît impossible d'être intelligent sans avoir conscience des plans astraux ou autres. Est-ce que c'est possible? Le mot intelligent, c'est un gros mot. Tu peux avoir un PhD de l'Université de Montréal, tu peux être un idiot. Le mot intelligent, c'est un gros mot. Mais techniquement, être intelligent, ça veut dire utiliser l'énergie de ton être de façon maximale, c'est-à-dire de façon à jamais se faire shafter. C'est ça être intelligent. Fait que vous soyez intelligent dans votre vie de famille, que vous soyez intelligent dans votre job, que vous soyez intelligent sur le plan matériel, c'est une chose. Mais si vous n'êtes pas intelligent psychiquement, vous allez vous faire échapper sur le plan matériel parce que votre mental est constamment affecté par des égrégores ou des entités qui travaillent subliminalement sans que vous vous en rendiez compte. Si vous êtes plus conscient, vous avez contact avec ces plans-là, bien encore, vous risquez de vous faire échapper parce que vous allez croire, parce que vous êtes naïf, puis parce que vous avez l'impression que le monde qui sont morts, c'est du bon monde. Croire à sa pensée, est-ce que c'est à la source même de l'impuissance? Croire à sa pensée, c'est le début de l'ignorance. C'est le début de l'ignorance, croire à sa pensée. Faut que tu saches d'où ce qu'elle vient, ta pensée. Faut que tu puisses la mesurer, ta pensée. Faut que tu puisses la vérifier, ta pensée. Faut que tu puisses être maître de ta pensée. Faut que tu puisses être maître dans ta pensée. Si tu vis ta pensée simplement comme mécanisme de réflexion qui rebondit sur ton écran mental, mais à ce moment-là, tu vis la pensée comme l'homme ignorant vit sa pensée, comme l'homme ignorant a vécu sa pensée pendant des siècles. La pensée, c'est un mécanisme de transmission d'informations qui part de plans très, très élevés, mais qui se dissout, qui se subjectivise au fur et à mesure où ça rentre dans la conscience de l'homme planétaire, évolutif, incarcéré dans la matière. Donc, au fur et à mesure où l'homme va sortir de sa naïveté, puis que l'homme va réellement prendre conscience des lois mentales, des lois de la pensée, que l'homme va prendre conscience de l'origine de sa pensée, puis comment ça marche sa pensée, puis toute l'astral de sa pensée, finalement, l'homme va pouvoir développer des mécanismes de conscience absolue par rapport à sa pensée. C'est pas parce que tu te fais parler dans ta tête par une entité sur un autre plan qu'il faut que tu prennes pour du cash ce qu'il dit, parce que la pensée qui vient de l'autre plan, tu sais pas ce qu'elle vient. Elle vient peut-être d'une entité astrale, elle vient peut-être de ton double qui te teste, tu ne sais pas. Fait que le monde, ils vont dire, elle vient-tu de l'astral ou elle vient-tu de mon double qui me teste? Ça n'a pas de crise d'importance que ça vienne de l'astral ou de ton double qui te teste, du moment que toi, tu n'en souffres pas au bout de la ligne. Fait que si tu souffres de ta pensée, c'est parce que ton double, il t'apprête à te crosser, puis l'astral, l'entité dans l'astral, il t'apprête à te chanter. Fait que d'un bord ou de l'autre, it's the same fucking shit. Maintenant, si on parle d'être intelligent, c'est se protéger. Se protéger de sa pensée, comment on peut vivre se protéger de sa pensée? Parce que finalement, la pensée de se protéger, c'est déjà une pensée qui vient d'ailleurs. Se protéger de sa pensée, c'est pas une pensée qui vient d'ailleurs. Quand si je te donne une claque sur la gueule, tu vas te protéger. Ça fait mal. C'est la même chose. Autrement dit, si vous vivez des pensées qui vous font agir d'une certaine façon, puis qui vous amènent à une certaine souffrance, à ce moment-là, protégez-vous de votre pensée. Donc, c'est la conséquence. Si tu sors avec une fille, puis t'es jaloux, puis tu penses que la fille triche, puis ta pensée, elle dit que la fille, elle triche, mais à ce moment-là, prends une décision. Prends un avocat, Chris, ou prends-toi un détective, ou prends-toi quelque chose, ben, check-la, puis si tu vois qu'elle triche, ben, débarrasse-toi-en, puis si tu vois qu'elle triche pas, ben, fous-toi un coup de pied au cul, ferme ta gueule une fois pour toutes. Faut que tu décides quelque part. Non. Là, ça triche pas. Là, t'es jaloux. Là, tu traînes ça pendant des années de temps. Fait qu'on est des traîneux de chaussettes, Chris, puis on se traîne le cul dans la marde pendant des années de temps. Pourquoi? Parce qu'on sait pas qu'est-ce que c'est de la pensée. Fait que, elle triche-tu ta femme? Elle triche-tu ta blonde? Bon, ben, check, arrange tout pour te savoir, là, prends un avocat, je sais pas, oui. Il y a des moyens techniques aujourd'hui, là, avec toi la caméra, puis une longue vue, Chris. Pis quand tu vas être bien sûr qu'elle te triche pas, là, parle-moi en plus. Fait que make up your fucking mind. Fait qu'après ça, t'as réglé ce problème-là. Donc, c'est de poser un acte, c'est de... C'est toujours de poser un acte. Sur la pensée qu'on a. Toujours poser un acte. Mais vous se dire, ma femme me triche, mon chum me triche, ma blonde me triche. Fait que check-les, parce que là, tu te fais stréliser, puis tu vis des nuits blanches pendant que ta blonde adore. Voyons, niaiseux. C'est vrai qu'on est vrai. Qui arrive à son chum. Mais même des rêves, ils vont vous accrocher. Tu veux ta blonde avec un autre. Qu'est-ce que... Là, dans ce temps-là, on se réveille. Bon, ouais, en soir. En soir. Donc, maintenant, l'action qui suit la dynamique de la pensée, ça nous amène au fameux mot de la vibration. Est-ce que, a priori, être apte à saisir ou à percevoir des vibrations, une vibration dans une pensée, ça peut nous permettre finalement d'éviter des états de souffrance, des situations de souffrance? Vous avez passé le faux cul pour avoir une conscience vibratoire. Pour avoir une conscience vibratoire, il faut avoir le faux cul. Pour avoir le faux cul, il faut que ça vienne de quelque chose. Pour avoir le faux cul, ben, il faut que tu prennes conscience que tu t'es manipulé. Si tu prends jamais conscience que tu t'es manipulé, comment tu vas avoir le faux cul? Faut que tu saches que tu t'es manipulé, faut que tu vois les gains. Là, tu commences à être faux cul. Tu commences à être faux cul. Un jour, t'as tellement le faux cul, t'es tout le faux cul. Je l'ai tout le temps au cul. C'est pour ça que je t'ai fumé, là, pour me calmer un petit peu. Fait que j'ai tout le faux cul. Fait que quand t'as bien le faux cul, laisse-moi dire qu'il n'y a personne qui fuck with you. Ni en haut, ni ici. Fait que tu commences à avoir la paix. Mais ça, c'est une... Tu commences à te protéger. Mais il y a du monde qui n'a pas le faux cul. Le monde, ça va mal, il y a ci, il y a ça, il se passe ici, puis il se passe ça. Puis t'es voué, là, ça continue, là. Tu pourrais prendre une note le 24 décembre 90, là, puis tu regardes le 25 décembre 95, c'est encore là, c'est encore dans mes marques. Comment est-ce que tu peux être dans mes marques pendant 50 ans? Il y a du monde qui sont dans mes marques pendant 20 ans, 30 ans. Puis là, ils viennent décourager. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, on va spiritualiser. On va avoir un gourou. Au lieu de prendre le faux cul. Autrement dit, de voir qu'ils se font manipuler dans leur tête, puis prendre ça en main, puis régler ça, cette affaire-là. Fait que il y a bien des affaires qu'on a réglées, là, dépendant de la dynamique de notre mental, là. Mais il faut que ça se règle. On règle pas nos affaires. On traîne, puis l'astral rentre là-dedans, puis il nous fait traîner de ça de plus en plus. Fait que montre-toi pas pourquoi ce monde sont malades. Bon, une personne a une pensée, cette pensée-là la fait souffrir. Elle vit une colère, elle exprime une action dans une colère, puis elle se met encore un petit peu plus dans la merde. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne a réagi à sa pensée. Elle a réagi aux influences. Qu'est-ce qui s'est passé? Réagir, c'est pas agir. Tu sais, si tu fais une colère parce que ta femme a triche sur toi, ou tu penses qu'elle triche, ou ton chum te triche, tu vas faire une colère, tu vas casser des assiettes. Ça va pas régler l'affaire. Il va attendre 2 mois pour tricher encore. Tu sais, il faut que tu le règles, le problème. Le monde sont en réaction dans la vie au lieu d'être en action. Mm-hmm. Sont en réaction au lieu d'être en action. Le monde ne sont pas en action. Tout le monde est en réaction. Puis quand tu es en réaction, mais ça travaille sur tes corps, ça travaille sur tes organes, tu deviens malade. Tu vis du stress. Le monde ne sont pas en action. Être en action, c'est quand vous identifiez des problèmes dans vos compagnies, vous voulez régler vos problèmes si vous êtes des bons managers, mais c'est la même chose dans ta vie. Tu identifies un problème, il faut que tu le règles. Mais on ne le règle pas nous autres, parce qu'on a des émotions. on a des liens, on a des conditions, on a des ci, puis on a des ça. On n'y règle pas. C'est pour ça que ça nous presse des années, puis des années, puis des années, puis des années pour en arriver à être intelligent. Pourtant, c'est simple, l'intelligence. Moi, je suis écœuré de vivre dans le système, là. Pourtant, je suis pas à Seine, j'ai une belle maison à Saint-Adèle. Je suis écœuré d'être dans le système. J'en ai plein de cul du système, là. J'en ai plein de cul de travailler pour le gouvernement québécois, là. Fait que je m'exile, je crisse mon camp en Haïti, je m'en vais vivre en Haïti, là. M'as-tu être bien? Je vais-tu être bien? Ça me coûte rien, par jour. Rien! Ça me coûte rien! Fait que là, je vis, là, la grosse vie, ça, pour balancer mes vibrations de sensible, là, de niaiseux, là. Mais là, je m'en vais en Haïti. Là, m'envoie le soleil le matin, m'envoie le soleil le soir, m'envoie la mer, j'ai tous mes chums là-bas. Je crisse mon cœur, là, je m'exile. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, on s'en va pas en Haïti pour le passer l'hiver, là. J'ai dit, il y a un autre mot qu'il faut utiliser. On s'exile. Je m'exile. Je t'ai mis, je suis plus capable. Il fallait que vous ayez. Ben, j'ai pris une décision. Je t'ai mis d'avoir des comptes, Bell Téléphone, American Express. Puis je les ai toutes, moi, hein? American Express, Visa, ben, je les ai toutes. Ils m'appellent, monsieur Bernard, voulez-vous? Oui. Là, j'en veux plus. Manger de la merde. Je n'ai pas le bol. Je m'en vais en Haïti. Mais vous les aviez, c'est quoi? J'ai habillé ma femme hier, Chris, ça m'a coûté 1200$, là. J'ai fait une crise à la maison, pas contre ma femme, je suis content de l'habiller ma femme. Je m'en vais en Haïti, on va se promener en costume de bain. Ça coûtera pas cher. Je n'ai plein de cul, je suis plus capable. J'en veux plus, je sors du système. Pourtant, je suis plus à l'aise que probablement tout le monde dans la salle. Mais pour moi, j'en veux plus. Fait que je prends une action, je prends une décision. Je vends tous mes chars, là. S'il y en a qui veulent des bons chars, j'en ai. J'ai vendu. Je ne cherche pas à faire d'argent pour. Je n'ai plein de cul. Bon. C'est ça, prendre l'action. Bernard, ces comptes-là, vous les aviez l'année passée, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Qu'est-ce qui a fait que c'est spécifique? Faux cul! Il n'y a rien comme le faux cul. C'est merveilleux, le faux cul. Faux cul. Je l'ai. OK. Qu'est-ce qui fait qu'un individu, à un moment donné de sa vie, a le faux cul? Vous aviez pu avoir le faux cul il y a 2 ans, il y a 3 ans. Je l'avais pensé. Là, je l'ai. Hé! Hey, regarde! La flamme est là. C'est fait. I'm out. C'est quoi la dose? La dose? Oui, il y a une dose, j'imagine. Parce que vous êtes sensible. Nous autres, on a des buffers. C'est quoi la dose? C'est une affaire de game. C'est connaître la game. Regardez, non, je veux juste donner un exemple. Vous avez le faux cul, mais vous n'avez pas de l'air choqué. Vous avez de l'air intense, là. Ouais. Mais pas assez pour faire une crise. C'est pas une invitation à en faire une. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, quand ils ont le faux cul, ils sont pas endurables. Ils sont pas vivants. Oh, moi, ils sont pas intelligents. Ouais, mais ça, quand je parle d'avoir le faux cul, moi, c'est les faux cul par rapport aux faces. Bon, mais c'est ça. Par rapport aux faces dont je suis conscient, avec lesquelles je placote à tous les jours. C'est pas le monde. C'est pas le faux cul contre l'homme. C'est le faux cul contre les faces. Puis tous les hommes sont connectés à des faces. On a toutes des faces quelque part. On n'est pas nécessairement conscient. Pour l'homme en général, ça travaille sa pensée. Pour d'autres hommes, c'est direct. Fait qu'éventuellement, mais quand t'envoies à game, c'est assez. Faut que t'intègres cette énergie-là. Faut que t'apprennes sur ton contrôle l'énergie de la vie. Si t'apprends pas sur ton contrôle, t'es fait à l'os. Toujours par rapport aux autres. Tout le temps. Bon, c'est ça la nuance. Des gens, habituellement, quand ils ont le faux cul, ils ont le faux cul contre le boss. Ah, oh, c'est pas bon. C'est toujours par rapport à toi. Toujours par rapport à toi. C'est pas le boss. Le boss, c'est pas un cadeau. C'est pas de ta faute, c'est pas un cadeau. C'est sa nature. Lui est en évolution. Ou il est en involution. C'est à toi à régler ton affaire. Tout revient à vous autres. C'est pas le monde. Faut que ça revienne à vous autres. Puis quand on veut une colère, c'est faut pas que ça se retourne contre nous autres. Faut que ce soit par rapport à vous autres, intérieurement à vous autres, les forces, vos pensées, vous autres. L'homme n'est pas fait pour souffrir. L'homme souffre parce qu'il est naïf. C'est ça l'évolution. L'homme souffre parce qu'il est naïf. Si l'homme n'était pas naïf, il ne souffrirait pas. Mais quand on vit ça, le faux cul dont vous parlez, là, on a simplement une vibration de faux cul ou si on parle ou on communique ou on échange avec quelque chose? T'as pas besoin de communiquer. C'est un état. Il n'y a rien qui va m'empêcher d'aller en Haïti. Mais comment il me dira pas? Il me dira de pas y aller. Je dirais, mais on a marre, je vais pareil. Ça répète l'Europe aussi. Mais si j'étais spirituel, je ne dirais pas, mais ici, peut-être que j'irais.